Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous, bonjour Campus FM, bonjour Inès et Amandine. Ouais. C'est la première fois pour nous trois que nous réalisons un podcast. Donc nous sommes trois étudiantes de l'École d'ingénieurs agronomes de Toulouse. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui sont les manifestations agricoles. En effet, Margot, ce sujet nous intéresse beaucoup, car il génère en nous de nombreuses questions. Pour vous remettre un peu dans le contexte, lors de la première phase des manifestations en janvier 2024, on était parti, que ce soit en cursus à l'étranger ou en mission humanitaire. Nous n'étions pas là pour voir les manifestations. Donc, quand on a vu que les manifestations revenaient là fin octobre, on s'est posé beaucoup de questions, comme pourquoi les agriculteurs manifestent-ils? Est-ce que c'est vraiment la première fois? On voit que les médias parlent de syndicats, mais qui sont-ils vraiment? Et bien pour faire écho à ce que tu viens de dire, Amandine, je me pose exactement les mêmes questions que toi. J'ai vraiment du mal à distinguer clairement les revendications et les acteurs impliqués dans ces manifestations. Et je pense qu'en tant que futur ingénieur agronome, on se sent assez concerné et on devrait un peu plus se questionner par rapport à ce sujet. Et je pense que c'est le moment de consacrer un temps d'échange autour de ce podcast. Et pour répondre du coup à ces problématiques liées aux manifestations, nous allons dans un premier temps avoir une interview d'un représentant d'un syndicat agricole français et dans un second temps, on aura une présentation d'un sociologue spécialisé dans les mondes agricoles afin de nous éclairer un peu plus sur ces questions. Donc pour commencer un peu à parler du sujet, on a feuilleté le livre « Sociologie des mondes agricoles » de Bertrand Hervieux et François Purseigle pour comprendre un peu mieux l'évolution du monde agricole. Et il y a une phrase qui nous a marqué, je vais vous la relire les filles. Les agriculteurs y sont le seul groupe professionnel à être passé à un siècle de la situation majoritaire absolue au sein de la population française au statut de simple minorité parmi d'autres. Cette phrase, elle nous a marqué dans le sens qu'autrefois le monde agricole, il était connu du public, il était omniprésent dans notre vie citoyenne et qu'actuellement il y a une distance qui se crée entre le grand public et le monde agricole et on comprend un peu moins leurs difficultés. Eh bien, en effet, quand on discute avec beaucoup d'agriculteurs, ils se sentent pas assez représentés et ils ont beaucoup du mal à faire comprendre leurs revendications et les problèmes en fait qu'ils vivent au quotidien, comme t'as expliqué Amandine. Et je pense que c'est important qu'on montre leur travail, qu'on montre vraiment la reconnaissance de ce métier qui est vraiment difficile. Et aussi, ça donne vraiment une raison de pourquoi actuellement ils vont dans les rues manifester. Donc pour mieux comprendre ces revendications, nous allons vous présenter quatre crises majeures de l'histoire de l'agriculture. Donc tout cela va nous permettre d'illustrer les revendications de chaque agriculteur. Pour commencer, l'une des premières crises agricoles françaises était la crise viticole de 1907. Elle a eu pour origine le Languedoc et elle a commencé à partir des années 1860, donc à cause d'un insecte, le phylloxéra, qui a décimé une grande partie du vignoble français. À la suite de ça, il y a eu de nombreuses importations de vins étrangers qui ont fait chuter le prix de moitié du vin. Donc cette crise s'est concrétisée le 9 juin avec une immense manifestation qui a rassemblé entre 600 000 et 800 000 personnes à Montpellier. Et donc elle a eu pour conséquence l'emprisonnement de plusieurs dirigeants de la révolte et une fusillade qui a fait 6 morts à Narbonne. Donc cette première manifestation nous montre les nouvelles luttes modernes des agriculteurs avec la fixation d'objectifs précis, la propagation de mots d'ordre par la presse, l'utilisation de pancartes et de discours, et pour finir, l'intervention de parlementaires. Donc c'était la première grande lutte agricole française. Donc moi, je vais rebondir avec ce que tu as présenté, Margot, avec deux autres luttes et deux autres manifestations du monde agricole. La première, c'est la guerre des artichauts, qui a eu lieu en 1957 jusqu'à 1960. Elle a duré donc 10 ans et elle est se localisée majoritairement en Bretagne. Durant cette période, les agriculteurs, ils ont dénoncé et ils ont manifesté contre une surproduction de légumes dans toute la partie de Bretagne et en France et qui a entraîné une chute des prix. Donc pendant cette période, les agriculteurs ils dénoncent une mauvaise organisation du marché qui est entre les mains des négociants expéditeurs et non aux mains dans les mains des agriculteurs. Donc pour montrer leur un peu leur revendication pour lutter, les agriculteurs ils ont détruit des milliers de tonnes de légumes, ils les ont déversés dans les rues et pour montrer leur protestation. Donc, ils ont aussi défilé en tracteur et bloqué les rues pour montrer qu'ils étaient pas contents. Donc, je vais vous parler d'une autre crise, qui est la crise du Larzac, qui a eu lieu dans les années 1970-1980. Donc, cette crise a présenté une autre revendication, qui est la difficulté d'accès aux terres. Donc, pour vous remettre dans le contexte, le camp militaire du Causse du Larzac voulait étendre ses terres. Donc, il voulait prendre 15 000 hectares aux agriculteurs. Donc, les agriculteurs, ils se sentaient un peu menacés. Donc, pour cela, ils sont partis à Paris en tracteur pour montrer leur mécontentement. C'était la première fois que les agriculteurs sortaient un peu de leur exploitation pour aller manifester à la capitale. Donc, c'était vraiment très important pour l'époque. Et à Paris, ils ont conduit un troupeau de brebis sur la pelouse du Champ de Mars pour montrer que si on leur piquait, volait des terres, ils ne pouvaient pas faire leur travail, donc ils devaient aller piquer les terres des Parisiens. Eh bien, merci les filles pour les présentations de ces crises. Moi là, je vais finir par vous présenter la dernière crise qui a marqué un peu la France, c'est la crise du lait. Donc il faut savoir qu'il y a les quotas laitiers qui ont été instaurés en 1984 et qui ont été abolis en 2015. Donc ces quotas laitiers, ils ont été instaurés dans toute l'Union européenne afin de limiter la production laitière. Et du coup, les pays qui produisaient un surplus de lait, en fait, devaient payer une taxe. Donc l'abolition de ces quotas, comme je l'ai dit, elle s'est faite le 1er avril 2015. Mais ça a entraîné en fait une chute libre des prix puisqu'on s'est retrouvé avec une production de lait qui a excédé en fait la demande. Et donc pour un peu revendiquer cette crise et montrer comment ça a été compliqué, je vais vous citer la journée blanche du coup, qui s'est déroulée en septembre 2009 du coup, en Bretagne. Et donc devant le Mont-Saint-Michel, il y a 2 à 3 millions de litres de lait qui ont été déversés. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui se sont réunis pour en fait venir montrer à quel point ils étaient en colère, à quel point leur métier n'était pas respecté et surtout à quel point ils étaient dépendants en fait de l'industrie agroalimentaire laitière. Donc voilà, ça a fini de montrer que le monde agricole était un monde quand même en crise. Donc on peut voir grâce à ces 4 grandes crises que les agriculteurs sont toujours des problématiques et que ces dernières décennies a été marquée par de nombreuses manifestations. Et à chaque fois, les agriculteurs revendiquent les mêmes choses, donc c'est-à-dire qu'ils protestent contre les politiques agricoles nationales et européennes, ils demandent une meilleure régulation du marché français et ils protestent contre les importations déloyales des produits étrangers. Et pour finir, ils revendiquent aussi un accès au foncier plus facile et qu'on évite de leur piquer les terres. Et du coup, là, pour un peu plus se remettre dans le contexte de ce qui se passe actuellement, on s'est basé sur une étude du coup appelée « Agriculture, de quelle colère et attente es-tu le nom ?». Du coup, cette étude, elle a été réalisée par Pierre-Henri Bonneau, du coup, qui est économètre. Donc, ça veut dire qu'il étudie les statistiques et les données économiques. Et du coup, il y a aussi François Purseigle, du coup, qui est professeur à l'ENSAT. Donc, du coup, l'ENSAT, qu'est-ce que c'est ? C'est l'École nationale du coup, supérieure d'agronomie à Toulouse. Et du coup, lui, il est du coup sociologue. Et du coup, tous les deux, ils ont écrit ce rapport. Ils ont interrogé 1253 agriculteurs pour en fait essayer de comprendre quelles étaient leurs revendications et pourquoi actuellement ils étaient en train de manifester. Et donc, je vais vous citer les 3 grandes classes de discours qui sont sorties. Donc, dans un premier temps, on a le ras-le-bol des normes et de l'administration. On retrouve derrière, du coup, la dénonciation d'un système qui est à bout. Et enfin, la revendication d'une juste rémunération au regard du travail réalisé. Et donc ça, c'est une étude qui nous a quand même pas mal aidé pour essayer un peu de décrypter les crises qu'on connaît actuellement. Donc, on peut se poser la question, suite à ce que vous venez de dire, les filles, qu'il y a des revendications, mais qui c'est qui aide les agriculteurs à faire entendre leur voix ? Donc, les agriculteurs, pour se faire entendre, ils vont se réunir sous forme de syndicats. Alors, un syndicat, c'est une association de personnes dédiées à la défense des droits et des intérêts des travailleurs. Donc, si on dispose de cette définition au monde agricole, en fait, les syndicats, les agriculteurs vont se réunir en syndicat pour faire entendre leur voix et pour soutenir la voix des agriculteurs à l'État. Donc ça, c'est un peu la définition d'un syndicat national. Mais si on présente un peu les syndicats sous forme du coup départementale, les agriculteurs, ils vont se tourner vers les syndicats pour les aider dans des démarches, comme par exemple pour accès au foncier, ou par exemple, s'ils ont une problématique pour s'installer, ils peuvent aller voir le syndicat pour les aider. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Amandine, je vais vous présenter les trois principaux syndicats français. Donc, tout d'abord, il y a la FNSEA, donc la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui a été fondée en 1946, et c'est le premier syndicat français qui a été créé. Et c'est également le premier syndicat français chez les agriculteurs, puisque 31% des agriculteurs sondés se sentent proches de ce syndicat-là. Rattaché à la FNSEA, il y a les jeunes agriculteurs, donc autrement dit les JIA, qui eux ont comme principaux objectifs de défendre l'intérêt des jeunes agriculteurs et de promouvoir le renouvellement des générations agricoles. En deuxième place, nous avons la Coordination Rurale, qui est le deuxième syndicat majoritaire en France, avec 19% des agriculteurs qui s'en sentent proches. Il a été créé en 1991 à la suite de la réforme de la PAC, donc la politique agricole commune de 1992, et pour lutter également contre le non-agissement de la FNSEA. Et en troisième position, nous avons la Confédération paysanne, qui elle a été créée en 1987 pour promouvoir l'agriculture paysanne, c'est-à-dire l'agriculture familiale, et pour s'opposer à l'agriculture productiviste, donc c'est-à-dire l'agriculture industrielle. Donc là, les filles, je trouve qu'on a bien résumé les revendications des agriculteurs et des acteurs par les syndicats. Mais on peut se poser une autre question, c'est sous quelle forme les agriculteurs vont manifester. Donc on a vu par les différentes crises qu'on a présentées qu'il y a un répertoire d'actions assez large, comme les slogans pour informer et interpeller les citoyens. Il y a aussi l'occupation des lieux emblématiques, comme aller devant une préfecture. On a pu voir aussi par les actualités, mais aussi par les anciennes manifestations, que les agriculteurs vont beaucoup bloquer les routes pour un peu toucher les citoyens. Et il y a aussi un dernier moyen de lutte qui est de détruire des productions pour protester et pour montrer qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Amandine. Et on voit de plus en plus qu'il y a des moyens de lutte plus symboliques, comme les slogans. Comme par exemple le slogan « Petit on en rêve, grand on en crève », qui a été lancé par les JIA pour montrer la difficulté du métier et le manque de revenus des agriculteurs. D'autre part, pour la crise actuelle de 2024, le slogan utilisé est « On marche sur la tête ». Donc ce slogan a été accompagné du mouvement de retournement des panneaux des communes. Et ces actions permettent d'interpeller le grand public et les politiques publiques sans forcément détruire l'espace public. Donc ce mouvement de protestation a été initié par les JIA du Tarn. Et donc nous avons interrogé Christopher Régis, président des JIA du Tarn, pour qu'il nous explique comment cette action symbolique s'est construite et quel impact elle a eu sur la population. Nous vous laissons avec l'enregistrement de Christopher. Alors, on va dire que la démarche des panneaux retournés, c'est parti donc un soir de réunion entre président et secrétaire général des syndicats JIA et FDSEA. Et en fait, on a commencé à la réunion, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu bouger tout le monde, parce qu'on voyait que que c'était compliqué, que en fait tout le monde voulait un peu bouger, mais ne savait pas trop comment se lancer, quoi. Donc bon, on a dit qu'est-ce que c'est qui pourrait un peu changer un petit peu les codes. Et là, on est venu à se dire, on a parlé un peu de toutes les problématiques qu'il y avait, et il y en a ni fini par le mot, de toute façon, on marche sur la tête dans ce pays. Ouh, on a dit ça, c'est un slogan qui est pas mal. Et puis on a dit, il faut une action un peu pour changer de tout ce qu'on fait, toujours sortir avec les tracteurs, tout ça. Et on a dit, il faudrait avoir une action un peu coup de poing qui se voie en fait sur du long terme, sans dégrader, sans faire quoi que ce soit. Et là, on est parti sur quelque chose En fait, on a dit il faut soit on décroche les panneaux et on les mélange avec d'autres villes, tout ça. Et à un moment donné, on a dit, mais non, le mieux, on les prend et on les retourne. Et on s'est mis à retourner les panneaux, comme ça. Voilà. Sur la colère du monde agricole, tout simplement. Merci beaucoup. Et est-ce que notre deuxième question serait, est-ce que vous, du coup, avec des actions plus symboliques comme ça, vous avez vu qu'il y avait plus de soutien par rapport au, mais du coup, au grand public, au, un peu. Oui. Au, oui, oui, parce que le grand public s'est aperçu que le mal-être agricole qu'il y avait, on savait aussi l'expliquer autrement qu'en foutant, entre guillemets, pardon pour le mot, mais du fumier partout, ou en faisant des choses, en allant à la DDT ou aux préfectures, en mettant, comme je disais, de la paille, du truc, en rouspétant, en embêtant, entre guillemets, aussi les citadins, parce que quand tu habites en ville et que tu manifestes en ville, quoi que tu dises, tu les embêtes quand ils sont en train de bosser ou qu'ils vont bosser ou autre, quoi, voilà. Donc, du coup, oui, on s'est aperçu que ce mouvement-là, en fait, a plu vraiment aux gens. Et les gens se sont dit, punaise, c'est quoi, le mouvement qu'ils sont en train de faire, ben, ça reflète vraiment même toute la société, parce qu'on marche vraiment sur la tête dans ce pays, quoi. Donc, je pense que les explications que Christopher Régis nous a apportées nous ont permis de voir qu'une action symbolique comme retourner les panneaux pouvait vraiment devenir un mouvement national. Et du coup, ça a été le cas. Donc, on voit bien que c'est un moyen qui fonctionne et qu'on n'a forcément plus besoin de déposer du fumier devant des préfectures pour faire entendre en fait, la voix des agriculteurs. Donc, c'est très important aussi de souligner que en fonction des régions, des filières et des types de production, mais aussi en fonction de chaque exploitant, on a des besoins différents qui émergent et la voix des agriculteurs a besoin d'être entendue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Inès. Et c'est vrai que ça fait vraiment écho à ma vie à l'école parce que on remarque que les problématiques de nos camarades agriculteurs qui viennent de l'Aveyron ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui viennent de la Beauce. Eh bien oui, Margot, en effet, on peut voir que la France est un pays avec beaucoup de diversité en termes agricoles et du coup, c'est important de voir que les revendications sont en accord avec ce qui se passe sur le territoire français. Et donc, dans un second temps, nous allons avoir une intervention du coup de François Purseigle. Donc, on s'est basé sur l'étude qu'il avait fait un peu avant dans le podcast. Donc, François Purseigle, juste pour remettre dans le contexte, c'est un enseignant-chercheur sur les mondes agricoles du coup au sein de l'ENSAT. Et du coup, on a eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui et de le rencontrer du coup à l'ENSAT pour discuter en fait de ce qui se passe actuellement. Et du coup, nous allons vous présenter en fait les différents profils de syndicats, mais aussi les agriculteurs qui sont associés à ces syndicats. Et du coup, on va voir que c'est quand même assez compliqué de trouver un syndicat qui représente les idées à 100% de tous les agriculteurs français. Et donc voilà, on va vous expliquer un peu où est-ce qu'on en est. On peut quand même assez bien finalement donner à voir le profil de ses adhérents ou de ses sympathisants. Bon, déjà la FNSEA, il faut savoir que c'est une structure pyramidale qui tire sa force aussi, non pas simplement des fédérations locales, départementales, cantonales, etc., mais de ses associations spécialisées. Donc la FNSEA, elle tire sa force aussi du maillage qui la constitue, qui la caractérise. Bon. Elle revendique encore aujourd'hui 300 000 agriculteurs, mais c'est aussi ça qui explique la force de la FNSEA. Ce qui caractérise aussi la FNSEA, c'est que finalement, plus que les autres organisations syndicales, elle incarne vraiment ce syndicalisme de service auquel les agriculteurs sont attachés. Okay. On retrouve plutôt quand même des sympathisants qui, sur l'échiquier politique, seront plutôt à droite, centre-droit. C'est plutôt une droite pro-européenne qui correspond, dans une proportion plus importante que le reste de la population, aux adhérents de la FNSEA. Même si vous avez des FDSEA locales, dans lesquelles on va trouver des gens proches aussi du Parti Socialiste ou de la gauche. Hein. Si vous prenez le cas notamment de certaines fédérations qui ont souhaité prendre leur distance à l'endroit aussi de la FNSEA. Ça a été aussi le cas en Haute-Garonne, ça a été dans le Puy-de-Dôme. Vous avez des adhérents qui viennent plutôt des rangs de la gauche. Tout dépend des territoires. Donc il faut faire attention à ne pas caricaturer. On a une diversité aussi de profils, mais quand même, dans une proportion plus importante que dans le reste de la population agricole, on peut quand même les positionner là, avec des revendications plutôt portant sur la défense des marchés, La volonté d'être à armes égales, le fait finalement d'être respecté sur des marchés sur lesquels on veut jouer. Donc ces adhérents-là ont envie finalement de défendre des filières, défendre des marchés. Voilà. Bon. Si on prend le cas de la Confédération paysanne, là on est sur des adhérents ou des sympathisants qui sont nettement plus marqué politiquement. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir posé la question à des jeunes à l'époque, durant ma thèse de la conf, qui me disaient si je choisis la conf, ça serait peut-être pas pareil pour la FNSEA, c'est parce que je suis de gauche. Ok, ouais. Vous voyez les adhérents de la FNSEA vous disent pas j'adhère à la FNSEA parce que je suis droite. Ouais. Par contre, quand vous discutez avec des adhérents de la conf, ils vous disent plus souvent que les autres. J'adhère pour des raisons idéologiques à ce mouvement. Et un mouvement qui, finalement, a fait aussi de certaines thématiques des thématiques assez centrales. Par exemple, la Confédération paysanne a fait, avec ses leaders charismatiques comme Bernard Lambert, José Bové, des OGM, de la lutte contre les OGM, de la malbouffe, de la lutte contre les méga-fermes, en fait, des thématiques assez centrales, avec des plaidoyers autour de la régulation. Si les adhérents de la FNSEA sont peut-être plus libéraux, on voit que du côté de la Confédération paysanne, les adhérents sont peut-être plus régulationnistes. Ils attendent davantage que l'État prenne part. Donc, du coup, pour un peu conclure sur ce qu'on vient d'entendre, je voulais juste revenir sur quelque chose qu'on n'avait pas vu et que, dans nos recherches bibliographiques, on n'avait pas forcément retrouvé. C'est le fait que, malgré tout, il y avait une étiquette politique associée à un syndicat. Et donc ça, on a réussi à s'en rendre compte, du coup, en discutant longuement avec François Purcell. Et du coup, il ne faut pas oublier que la FNSEA, ça reste quand même un syndicat qui est proche de l'État et du coup qui est aussi proche des politiques de l'Union européenne et qui défend quand même une agriculture, on va dire, proche de l'État. Contrairement à la Confédération paysanne, elle, qui est plus une agriculture, en fait, plus paysanne, on va dire, on retrouve des partis pris sur l'installation, sur l'aide des hors-cadres. Du coup, les hors-cadres, c'est ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole qui veulent s'installer. Et c'est voilà, un syndicat qui a des raisons un peu plus idéologiques. Et aussi, on a un peu moins entendu parler de la coordination rurale, du coup, dans cet extrait. Mais du coup, il faut aussi se rendre compte que les moyens de lutte utilisés pour ce syndicat, il nous a expliqué, François Purcell, que ça se référait plus à la ville, c'est-à-dire qu'ils utilisent des moyens qu'on va retrouver un peu plus dans les grandes villes, donc des slogans assez chocs, assez coups de poing, des pancartes, voilà. Et donc l'optique de ce syndicat, c'est plus de défendre l'agriculture française, mais vraiment pas de la même façon que les autres syndicats. Et du coup, eux, on va dire qu'ils sont un peu plus contre les politiques européennes. Nous allons écouter là une autre intervention de François Purcell. Il va notamment nous donner plus de renseignements sur la représentativité des agriculteurs par les syndicats. Et il va notamment souligner le fait que les agriculteurs se sentent moins représentés par les syndicats qu'avant. François Purcell va commencer son intervention en parlant des élections des chambres agriculture. Je vais vous en parler un peu plus pour que vous compreniez de quoi il parle. Alors, les élections des chambres d'agriculture ont lieu tous les 6 ans. Elles permettent de renouveler les représentants des agriculteurs au sein des chambres d'agriculture. Les électeurs sont répartis en plusieurs catégories, comme les exploitants, les propriétaires fonciers, les coopératives. Et le but des syndicats agricoles, c'est d'obtenir de plus de sièges aux chambres d'agriculture pour pouvoir après influencer les décisions politiques des chambres agricoles locales et nationales. Donc l'objectif de ces élections pour les syndicats, c'est d'être majoritaire afin de définir des orientations politiques futures de l'agriculture. Donc là, on va écouter une nouvelle intervention de François Purcell. Et avant cela, j'ai 2-3 petites informations à vous donner. Il va utiliser l'abréviation CR pour coordination rurale et CONF pour parler de la Confédération paysanne. Ce qui est frappant, c'est que notamment en 12 ans, entre 2007 et 2019, le taux de participation aux élections en chambre a baissé énormément, quasiment 20 points en 12 ans. On est passé de 66% à 46%. Et ça a fait écho aussi à un sondage qu'on a réalisé à Sciences Po, où on voit quoi ? On voit quoi ? On voit qu'à la question de quel syndicat êtes-vous le plus proche, 30% déclarent la FNSEA, 6 à 7% les JA de mémoire, donc à peu près un bloc à 40%. Ensuite, vous avez 18% la CR et ensuite une quinzaine de pourcents la conf. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant dans ce sondage, c'est qu'on voit que 30% des agriculteurs, quasiment un tiers, ne se sentent proches d'aucun syndicat. Mais ça, c'est marquant, comme je dis. Voilà, ça, c'est marquant. C'est marquant et ça donne à voir aussi ce qui s'est passé avec le groupe des Ultras ici en Haute-Garonne, qui est un groupe dissident de la FDSEA. Et quand vous discutez sur le terrain avec des agriculteurs, ils vous font sentir aussi que certains d'entre eux sont pas forcément proches. Et ils sont assez critiques parfois à l'égard d'un système professionnel. Pas tous, mais voilà. Donc, il y a quand même une crise de représentativité, de représentation, voire même une crise de légitimité. Donc ça, c'est important quand même de le souligner, voilà, par rapport aux élections de chambre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou... Et vous savez pourquoi il y a ce problème-là actuellement ? De légitimité ? Oui, de légitimité et de représentation. Alors, c'est souvent aussi une représentation qu'ont les agriculteurs de ce manque de légitimité. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Je pense que ce qui peut expliquer ça, c'est l'éclatement aussi des structures d'exploitation et la montée en diversité quand même des exploitations agricoles. C'est ce qu'on explique dans notre bouquin. Il n'y a jamais eu aussi peu d'agriculteurs, et alors qu'ils n'ont jamais été aussi peu nombreux, ils n'ont jamais été aussi différents, jamais autant éclatés. Et finalement, l'agriculture, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais ce sont des artisans, ce sont des commerçants, ce sont parfois des capitaines d'industrie, ce sont parfois des chefs de famille qui gèrent un patrimoine, bref. C'est difficile aujourd'hui pour une organisation syndicale d'accompagner une telle diversité de stratégies entrepreneuriales. Ça va même au-delà de la question de la représentation des céréaliers ou des éleveurs. On dit souvent qu'il y a des syndicats pour les éleveurs et des syndicats pour les céréaliers. On entend des fois un peu rapidement dire « Ah ben la FNSEA, c'est le syndicat des gros ou des céréaliers ». Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Finalement, on voit bien que derrière la FNSEA, il y a une diversité aussi. Mais ce qui était facile dans les années 50 et 60, voire dans les années 70, en termes de représentation, est beaucoup, beaucoup moins évident aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup moins évident. Et c'est pour ça que, finalement, on a des agriculteurs qui préfèrent rester en retrait du paysage professionnel. Donc, pour conclure sur cette troisième et dernière partie, en fait, que François Purseigle nous a expliqué, donc, juste pour revenir, comme Amandine, tu l'as évoqué juste avant, la place des syndicats agricoles et leur rôle reste quand même remis en question. Cependant, nous avons pu voir que leurs revendications sont en lien avec la diversité du coût de l'agriculture française. Donc on retrouve quand même des problèmes légitimes dû au fait qu'on retrouve un nombre d'agriculteurs qui est quand même inférieur et qui continue de baisser, avec quand même une diversité des profils dû au fait que ce soit des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies. Et du coup, ça reste quand même assez compliqué pour les syndicats d'accompagner autant de diversité. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de conflits au sein des syndicats agricoles. Merci Inès pour cette explication. Donc pour conclure ce podcast, j'aimerais revenir sur quelques points. Tout d'abord, les revendications des agriculteurs semblent identiques, mais on constate qu'il y a des modalités différentes entre chaque exploitation. Ensuite, les agriculteurs sont représentés par des syndicats qui représentent la diversité des voies agricoles. Cependant, on a remarqué qu'il y avait un manque de représentativité de la pluralité des agriculteurs, des agricultures françaises. Donc, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous souhaitons également remercier Campus FM, l'École d'ingénieurs de Purpan, nos professeurs Sophie Yvon, Simon Giuliano et Adeline Bouvard, ainsi que nos intervenants Christopher Régis et François Purseigle d'avoir répondu à nos questions. Mais merci beaucoup les filles pour ce podcast. Merci.